Les paysans, de poèmes par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les paysans. Ces hommes de labour, que Greuze affadissait dans les molles couleurs de paysannerie, si propets dans leur mise et si roses que ces motifs gais de les voir parmi les sucreries d'un salon Louis XV animé des pastels. Les voici noirs, grossiers, bestiaux, ils sont tels. Entre eux, ils sont parqués par village. En somme, les gens des bourgs voisins sont déjà l'étranger. L'intrus qu'on doit haïr, l'ennemi fatal, l'homme qu'il faut tromper, qu'il faut leurrer, qu'il faut gruger. La patrie, allons donc. Qui d'entre eux croit en elle? Elle leur prend des gars pour les armées soldats. Elle ne leur est point la terre maternelle, la terre fécondée au travail de leurs bras. La patrie, on l'ignore au fond de leur campagne. Ce qu'ils voient vaguement dans un coin de cerveau, c'est le roi, l'homme en or, fait comme Charlemagne. Assis dans le velours frangé de son manteau, c'est tout un apparat de glaives, de couronnes, écussonnant les murs de palais lambrissés, que gardent des soldats avec sabre à dragonne. Ils ne savent que ça du pouvoir, c'est assez. Au reste, leur esprit, balourd en toutes choses, marcherait en sabots à travers droit, devoir, justice et liberté. L'instinct les ankylose, un almanach crasseux, voilà tout leur savoir. Et s'ils ont entendu rugir, au loin, les villes, les révolutions, les ont tant effrayés que, dans la lutte humaine, ils restent les serviles, de peur, s'ils se cabraient, d'être un jour les broyés. 1. À droite, au long de noirs chemins, creusés d'ornières, avec des tufs derrière et des fumiers devant, s'étendent, le toit bas, le mur nu, des chaumières, sous des lames de pluie et des soufflets de vent. Ce sont leurs fermes. Là, c'est leur clocher d'église, taché de suintements verts de grisé au nord. Et plus loin, où le sol fumé se fertilise, grâce à l'acharnement des herses qui le mord, sont leurs labours. La vie est close tout entière entre ces trois témoins de leur rusticité. Qui les ploient aux servages et tiennent en lisière l'effort de leur labeur et de leur âpreté. Ils sont là, travaillant de leurs mains obstinées, les terreaux noirs, l'humus, tout imprégné d'hiver, pourris de détritus et creux de taupinés. Ils bêchent, front en eau, du pied plantant le fer, le corps en deux, sur les sillons qu'ils ensemencent, sous les grêlons de mars qui flagellent leur dos. L'été, quand les moissons de seigle se balancent avec des éclats d'or, tombant des cieux à flots, les voici, dans le feu des jours longs et torrides, peinant encore, la faux rasant les seigles mûrs, la sueur découlant de leur front tout en rides, et transperçant leur peau, des bras jusqu'aux fémurs. Midi darde ses raies de braise sur leur tête, si crue est la chaleur, quand des champs de métail se cassent les épis trop secs et que les bêtes, le cou criblé de temps, ânent au soleil. Viennent novembre avec ses lentes agonies et ses râles roulés à travers les bois sourds, ses sanglots ululants, ses plaintes infinies, ses glas de mort, et les voici suant toujours, préparant à nouveau les récoltes futures, sous un ciel débordant de nuages grossis, sous la bise, cinglant à ras les emblavures, et trouant les forêts d'énormes abatis, de sorte que leurs corps tombent vite en ruine, que jeunes, s'ils sont beaux, plantureux et massifs, l'hiver qui les froidit, l'été qui les calcine, font leurs membres affreux et leurs torses poussifs. Que vieux, portant le poids renversant des années, le dos cassé, les bras perclus, les yeux pourris, avec l'horreur sur leur face hérissonnée, ils roulent sous le vent qui s'acharne au débris. Et qu'au temps où la mort ouvre vers eux ses portes, leurs cercueils, descendant au fond des terrains mous, ne semblent contenir que choses de foi morte. 2. Les soirs de vents en rage et de ciel en remous, les soirs de bise aux champs et de neige essaimée, Les vieux fermiers sont là, méditant, calculant, près des lampes d'où monte un filet de fumée. La cuisine présente un aspect désolant. On soupe dans un coin, toute une ribambelle d'enfants sales gloutonnent au reste d'un repas. Des chats osseux, raclés, lèchent des fonds d'écuelles. Des coques teintent du bec contre l'étain des plats. L'humidité s'attache aux murs lépreux. Dans l'âtre, quatre pauvres tisons se tordent de maigreur, avec des jets mourants d'une clarté rougeâtre. Et les vieux ont au front des pensées pleines d'aigreur. Bien qu'en toute saison, tous travaillassent ferme, que chacun de son mieux donna tout son appoint. Voilà 100 ans, de père en fils, que va la ferme, et que bon an, mal an, on reste au même point, toujours même train-train, voisinant la misère. Et c'est ce qui les ronge et les mord lentement. Aussi la haine, ils l'ont en eux comme un ulcère, la haine patiente et sournoise qui ment. Leur bonhomie et leur rire couvent la rage, la méchanceté luit dans leurs regards glacés. Ils puent les fiels et les rancœurs que, d'âge en âge, les souffrances en leurs âmes ont amassées. Ils sont âpres aux gains minimes, ils sont sordides. Ne pouvant conquérir leur part, grâce au travail, la lésine rend leur cœur dur, leur cœur fétide, et leur esprit est noir, mesquin, pris au détail, stupide et terrassé devant les grandes choses. C'est à croire qu'ils n'ont jamais vers le soleil levé leurs yeux, ni vu les couchants grandioses, s'étaler dans le soir ainsi qu'un lac vermeil. 3. Aux kermesses, pourtant, les paysans font fête, même les plus crasseux, les plus ladres. Leurs gars y vont chercher femelle et s'y chauffer la tête. Un fort repas, graissé de sauces et de lard, sale à point les gosiers et les enflamme à boire. On roule au cabaret, goussets ronds, cœurs en feu. On y bataille, on y casse gueule et mâchoire. Aux gens du bourg voisin qui voudraient, nom de Dieu, lécher trop goulûment les filles du village, et gloutonner un plat de chair qui n'est pas leur. Tout l'argent mis à part y passe, en gaspillage, en danse, en brocs offerts de sableur à sableur, en bouteilles, gisant à terre en tas difformes. Les plus fiers de leur force ont des gestes de roi, à rafler d'un seul trait des pots de bière énormes, et leurs masques, plaqués de feu, dardant les froids, avec leurs yeux sanglants et leurs bouches gluantes, allument des soleils dans le grouillement noir. L'orgie avance et flambe, une urine puante, mousse en écume blanche aux fentes du trottoir. Des soulards assommés tombent comme des bêtes, d'autres vagues, serrant leurs pas pour s'affermir, d'autres gueulent tout seuls quelques refrains de fête, coupés de hoquets gras et d'arrêts pour vomir. Des bandes de braillards font des rondes au centre du bourg, et les gars aux gouges faisant appel les serrent à plein bras, les cognent ventre à ventre, les lâchant, les cherchant dans un assaut charnel, et les tombent, jupons levés, jambes ruantes, dans les bouges où la fumée en brouillard gris rampe et roule au plafond, où les sueurs gluantes des corps chauffés et les senteurs des corps flétris étament de vapeur les carreaux et les pintes. À voir des bataillons de couples se ruer, toujours en plus grand nombre autour des tables peintes, il semble que les murs sous le heurte vont craquer. La soûlerie est là, plus furieuse encore, qui trépigne et vacarme et tempête à travers des cris de flûte aiguë et de pistons sonores. Rustres en sarrau bleu, vieilles en bonnet clair, gamins hâves, fumant des pipes ramassées, tout ça saute, cognant des bras, grognant du groin, tapant des pieds. Parfois, les soudaines poussées de nouveaux arrivants écrasent dans un coin le quadrille fougueux qui semble une bataille. Et c'est alors à qui gueulera le plus haut, à qui repoussera le flot vers la muraille. Dût-il trouer son homme à longs coups de couteau. mais l'orchestre aussitôt redouble ses crieries, et, couvrant de son bruit les querelles des gars, les mêle tous en des fureurs de sauterie. On se calme, on rigole, on trinque entre pochards. Les femmes à leur tour se chauffent et se saoulent, l'acide du désir charnel brûlant leur sang. Et dans ces flots de corps sautants, de dos qui houlent, l'instinct lâché devient à tes poings rugissant, qu'à voir garce et gars se débattre et se tordre, avec des heurts de corps, des cris, des coups de poing, des bonds à s'écraser, des rages à se mordre, aller voir se rouler ivre-mort dans les coins, se vautrant sur le sol, se heurtant au bossage, suant, l'écume blanche aux lèvres, les deux mains, les 10 doigts, saccageant et vidant le corsage, on dirait, tant ces gars fougueux donnent des reins, tant sautent de fureur les croupes de leurs gouges, des ardeurs s'allumant au feu noir des viols. Avant que le soleil narde de flammes rouges, et que les brouillards blancs ne tombent à plein vol, dans les bouges, on met un terme aux souleries, la kermesse s'épuise en des accablements, la foule s'en retourne, et vers les métairies, on la voit disparaître avec des hurlements. Les vieux fermiers aussi, les bras tombants, les trognes dégoûtantes de bière et de gros vin sablé, gagnent, avec le pas zigzagant des ivrognes, leur ferme assise au loin dans une mer de blé. Mais au creux des fossés que les mousses veloutent, parmi les plants d'herbus d'un enclos maraîcher, au détour des sentiers gazonnés, ils écoutent rugir encore l'amour en des festins de chair. Les buissons semblent être habités par des fauves. Des accouplements noirs bondissent par-dessus, les lins montant, l'avoine en fleurs, les trèfles mauves. Des cris de passion montent, on n'entend plus que des spasmes râlants auxquels les chiens répondent. Les vieux songent aux ans de jeunesse et d'ardeur, chez eux, mêmes appels d'amour qui se confondent. Dans les tables où se sont glissés les maraudeurs, où la vachère couche au milieu des fourrages. Dans l'auge, dont les gars font choix pour le déduit, mêmes enlacements, mêmes cris, mêmes rages, mêmes fureurs des mets rugissant dans la nuit. Et dès qu'il est levé, le soleil, dès qu'il crève de ses boulets de feu le mur des horizons, voici qu'un étalon, réveillé dans son rêve, hennit et que les porcs ébranlent leurs cloisons, comme allumés par la débauche environnante. Crête pourpre, des coqs se haussent sur le foin, et sonnent le matin de leur voix claironnante. Des poulains attachés se cabrent dans un coin. Des chiens bergers, des yeux flambants, guettent leur lisse. Et les naseaux soufflants, les pieds fouillant le sol, des taureaux monstrueux ascendent les génisses. À leur vautrée aussi, dans leur rute d'alcool, le sang battant leur cœur et leurs tempes blêmies, le gosier desséché de spasmes étouffants, et cherchant à tâtons leurs femmes endormies, eux, les fermiers, les vieux, font encore des enfants. Fin de Les Paysans.